Un espace de création affranchi des codes, l'expérience. Aurélie Charron. L'expérience lance son premier podcast original en 3 épisodes, Les enfants de Duras. Léa Capuano a retrouvé ceux qui avaient 6 ans en 1967 et qui avaient répondu aux questions de Marguerite Duras pour l'émission Comme il vous plaira sur France Culture. Un demi-siècle plus tard, ils se retrouvent dans leur école rue Saint-Benoît à Paris et re-répondent aux questions. Est-ce que tu voudrais être grande ? Il n'y a pas des choses comme ça qui t'étonnent ? Les enfants de Duras, le premier podcast original de l'expérience, à télécharger sur franceculture.fr et les plateformes de podcast. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervan avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, quelque chose en nous du romantisme, une série d'Élise Andrieux réalisée par Véronique Samouilov. Au départ de cette série, il y a de grands sentiments et de grands paysages, et puis l'éblouissement des premières pages des confessions d'un enfant du siècle. Et enfin, le plaisir coupable que l'on a parfois à se rouler dans le désespoir parce que c'est tellement beau. Et cette question, et si le romantisme, c'était les hauts de Hurlevent et l'amour impossible ? Alors pour commencer, les personnages. 3 sœurs qui écrivent, une professeure et ses étudiants, une guide habitée par Émilie, un enfant perdu, une Catherine enfiévrée, des amoureux jaloux et fusionnels, un étudiant malheureux en amour et une jeune morte. Ensuite, le décor. Le Cri des Corneilles, un livre culte, un presbytère devenu musée, des lectures à haute voix, des chiens, la lande tapissée de mauve, une nature sauvage, la vengeance amoureuse, un cadavre à déterrer, la souffrance acceptée, un bureau, une lettre, de la cruauté, la solitude de la nuit et un cimetière. Aujourd'hui, deuxième épisode, on tend l'oreille. This time I remembered I was lying in the oak closet and I heard distinctly the gusty wind and the driving of the snow. I heard also the Cette fois, je me souvenais que j'étais couchée dans le cabinet de chêne et j'entendais distinctement les rafales de vent et la neige qui fouettait. Et je m'imaginais que je me levais et que j'essayais d'ouvrir la croisée. J'enfonçais le poing à travers la vitre et allongeais le bras en dehors pour saisir la branche importune. Mais au lieu de la trouver, mes doigts se refermèrent sur les doigts d'une petite main froide comme la glace. L'intense horreur du cauchemar m'envahit. J'essayais de retirer mon bras, mais la main s'y accrochait et une voix d'une mélancolie infinie sanglotait. « Laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. » C'est étrange. J'avais rêvé qu'une voix appelait dans la nuit. J'ai voulu fermer un volet. Mais quelque chose m'a saisi au poignet, quelque chose de froid, comme une main de glace. J'ai eu l'impression que c'était un fantôme. C'était bien, Cathy. Qui est-ce, Cathy ? Une malheureuse, qui est morte. Racontez-moi cette histoire. Quelque chose en nous du romantisme. Explorer les sentiments. Un documentaire d'Élise Andrieux et Véronique Samouilov. The sound that we can hear now, the rooks and the trees. Vous entendez donc tout ce bruit des corneilles, je pense, des rooks en anglais. En effet, le presbytère des Brontë, enfin donc la maison familiale, se trouve juste en bordure du cimetière. Mais en fait, est-ce qu'il y a vraiment des scènes d'amour dans ce roman ? C'est ça l'histoire, c'est que ça ne parle que d'amour, l'amour est partout, la passion est partout. Mais il est haine, colère. Il y a peut-être juste ce moment où Heathcliff va voir Catherine peu avant qu'elle meure, où il la tient dans ses bras et tout. C'est le sublime du romantique pur et dur, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop si on a peur, si on trouve ça beau, si on est transcendé, si on est dégoûté. C'est tout ce mélange-là, et je trouve que c'est peut-être le paroxysme du sublime comme on l'entend en littérature romantique, en tout cas cette scène, ouais. Catherine Linton, it replied shiveringly. Why did I think of Linton? Qui êtes-vous, demandai-je, tout en continuant de lutter pour me dégager. Catherine Linton, répondit la voix en tremblant. La voix parlait encore, quand je distinguai vaguement une figure d'enfant qui regardait à travers la fenêtre. La terreur me rendit cruelle. Voyant qu'il était inutile d'essayer de me dégager de son étreinte, j'attirai son poignet sur la vitre brisée et le frottai dessus jusqu'à ce que le sang coulât et inondât les draps du lit. La voix gémissait toujours « Laissez-moi entrer !» et l'étreinte obstinée ne se relâchait pas, me rendant presque fou de terreur. Je suis l'homme romantique et je continue ma route. Désormais, je me suis mis en quête des innombrables facettes du sentiment humain. Du 18e au 19e siècle, les années passent et je m'installe dans toute l'Europe, dans tous les arts. Je suis l'homme romantique et je suis la femme romantique. Je suis Emily Brontë. Je vis en Angleterre, dans le Yorkshire, là où les landes et le vent ne finissent jamais. Depuis mon plus jeune âge, j'invente un monde imaginaire avec mon frère et mes sœurs. L'inspiration me vient des récits du monde entier que je glane sans bouger de ma maison de Haworth, un presbytère, tenu par mon père et isolé de tout. En plus de mes poèmes, je n'écris qu'un seul roman, Wuthering Heights, en français Les Hauts de Hurlevent. Emily Brontë was born in 1818 in a village. Est née en 1818 et elle était l'une de six enfants de l'union de Patrick Brontë et Maria. Cette famille emménage dans le presbytère de Haworth en 1820, donc elle a 2 ans à ce moment-là. Et hélas, juste quelques mois après leur déménagement, en fait, la maman, Maria, décède. Donc, Emily passe presque toute sa vie à Haworth, dans ce presbytère, entourée du paysage des Landes, qui l'influence énormément. Emily Brontë was an extremely singular and reclusive woman. Donc Emily, en fait, était vraiment une femme tout à fait singulière qui vivait de manière recluse. Et aussi, on sait qu'Emily ne s'est presque pas liée d'amitié, en fait, avec des gens au-delà du contexte familial. En fait, le problème avec Emily, c'est qu'on ne la connaît presque entièrement que par les écrits des autres, par les descriptions que sa sœur, par exemple Charlotte, et les amis de sa sœur en ont fait. Elle continue à être une énigme presque totale, en fait. Sa sœur, par contre, Charlotte, par exemple, elle était une femme beaucoup plus ouverte, avec une ambition vraiment d'être reconnue par le public. Donc la sœur de Emily Charlotte est donc l'auteur de Jane Eyre. Elle est aussi l'auteur d'autres livres, mais Jane Eyre est vraiment son livre le plus connu. Et sa petite sœur Anne est entre autres l'auteur de Agnes Grey. Bon, ben là, je vois par la fenêtre, dans la cour de la Sorbonne, les étudiants qui s'acheminent vers la salle de cours. Donc, on va les rejoindre pour le cours sur Emily Brontë. Alors, on va passer par là. The night is darkening round me. The wild winds coldly blow. What a tyrant's spell has bound me. And I cannot go. The giant trees are bending. Martine Lavaux, je suis enseignante à la Sorbonne. Alors, il se trouve que ce soir, avec des étudiants de licence et de master, on va avoir un échange dans le cadre d'un cours qui va porter sur les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Sachant que cette œuvre sera aussi la porte d'entrée pour mieux comprendre ce que c'est que le romantisme. D'ailleurs, le romantisme ne se définit pas. C'est Louis-Sébastien Mercier, je crois, qui a dit ça en 1801. On ne peut pas définir le romantisme, il se ressent. C'est vaste. c'est complexe, ça veut tout accepter, tout accueillir, et ça veut tout contenir, tout vivre, finalement. Now 10 o'clock and the parsonage is just about to open for the first visitors of the day. Il est donc 10 heures et on est en train d'ouvrir le musée maintenant aux visiteurs. We're in the dining room at the parsonage, and this was the main living space in the house. Nous sommes là dans la salle à manger du presbytère, et c'était vraiment une salle très importante dans la vie de famille des Brontë. Durant toute leur vie, en fait, les sœurs ont utilisé cette salle pour y travailler. Alors, pour y travailler la broderie et ce genre de travail-là, mais évidemment aussi pour y travailler leur écriture. On sait très bien qu'en fait, Jane Eyre et Léo de Hurlevent ont été non seulement écrits dans cette salle, mais aussi sur cette table. On sait qu'elle marchait en fait autour de cette table pour lire leurs écrits et pour développer leurs idées. Et ce mouvement en fait est devenu une habitude pour elle. Tous les jours à 21h, on sait aussi que le papa, Patrick, venait frapper à la porte et donc annoncer à ses filles qu'il allait se coucher. Et c'est dans cette salle que Charlotte, par exemple, a donc entendu écouter des parties du roman Léo de Hurlevent que sa sœur lui aurait lu donc. Et on sait d'ailleurs, Charlotte a expliqué qu'en entendant voilà, des bouts de ce livre, elle en a même eu le sommeil perturbé. One time, however, we were near quarrelling. He said the pleasantest manner of spending a hot July day was lying from morning till evening on a bank of Léo de Hurlevent, c'est le nom du domaine accroché à la lande qui abrite la famille Earnshaw. L'histoire est racontée par Nelly, la domestique, à Monsieur Lockwood. On y apprend que Catherine, l'une des deux enfants de la famille Earnshaw, voit un jour arriver Heathcliff, un garçon recueilli par son père. L'enfant des rues à la peau sombre devient le nouveau compagnon de jeu de Catherine et le souffre-douleur de Hindley, le frère de Catherine. Les trois enfants grandissent dans cette relation fusionnelle faite de jalousie et de rancune. Installez-vous. Je vais d'abord faire ça. Je vais vous distribuer des séries de textes, d'extraits, parce que j'ai pensé que ça simplifierait en termes de recherche, etc. Tenez. On regarde les extraits. Dans le premier chapitre, donc, vous vous rappelez que lorsque Lockwood arrive pour rendre visite à son propriétaire. D'ailleurs, en passant, je ne sais pas vous, mais la première fois qu'on lit le roman, c'est horrible de tout comprendre. C'est clair. C'est atroce. Ah oui, c'est clair. Hein, vous avez ressenti ça aussi? On se sent dans un brouillard. On ne comprend rien. En plus, il y a des changements de narrateur en moment, donc on se dit, mais attendez, mais qui parle, enfin Oui, il faut reprendre avant. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis le nom des enfants, enfin des parents donnés aux enfants, mais mélangé, enfin c'est... c'est affreux. Alors, il faut être motivé pour... Mais une fois qu'on accroche, effectivement, le jour se fait. Alors, en même temps, ça donne cette espèce de fouillis, dont on s'aperçoit qu'il n'est pas un fouillis parce qu'il va s'éclaircir. Et c'est vrai qu'en même temps, quand on comprend le désordre, on s'aperçoit que tous les personnages ont une cohérence. Une Catherine qui renvoie à une autre. Vous voyez, il y a un effet de profondeur très, très puissant. Emily Brontë, elle nous fait quelque chose qui est perdu dans la lande, sans histoire ni politique. C'est comme si on mettait l'humanité avec son animalité dedans, en vase clos, qu'on faisait une expérience in vivo. Presque une expérience in vivo sur les pulsions les plus élémentaires, en fait. Et vous vous rappelez ce qui se passe? Qui l'accueille? Qui va... Parce que c'est accueillant, hein, le coude. Lorsqu'il arrive, c'est bienvenu. Hein, c'est fabuleux. Et qui l'accueille à part ça? Les chiens. Vous vous rappelez les bêtes, les animaux. Idlib, moi tu voudrais que tout s'arrête. Qu'importe ce que je fais ou que je dis, Idlib. Je ne suis moi-même que sur cette colline avec toi. Idlib, Idlib, remplis mes bras de bouillère. What time of year does it go purple? Generally August, and not for very long, only for a couple of weeks. Just 1 month? Normally just for a couple of weeks or so. It's a very short kind of blooming season. Le paysage où on se trouve maintenant, donc on se trouve dans les Landes, là, juste à 10 minutes à pied du presbytère. En fait, ce paysage se transforme vraiment complètement une fois par an, vers le mois d'août par là. La bruyère donc des Landes, à certaines parties de l'année, donc c'est complètement mauve en fait, le paysage. C'est sûr que plus on s'enfonce dans ce paysage, plus ça devient vraiment sauvage. So we've now walked up and we are on the edge of the moors. The moorland around Haworth is probably my favourite kind of landscape, but it's not for everyone. It's quite open. On peut aller peut-être dans le trou là. Oui. Let's start again. Yeah. Okay. So we've walked a little while now and we are on the outskirts of the moors. Donc en fait, on se trouve maintenant au bord de ce paysage des Landes. On est juste en dehors de Haworth. Et il s'agit vraiment là, pour moi, de mon paysage favori. Mais il faut se dire que c'est un paysage très ouvert, mais très rude aussi. C'est pas pour tout le monde, en fait. C'est assez austère, voilà. Ça peut paraître un peu désertique, comme ça, dans le sens où c'est très plat. Et on n'y voit pas grand-chose, à part donc toute cette bruyère et ces fougères. Il y a souvent pas mal de vent. D'ailleurs, là, on a dû trouver un petit endroit sans que nos voix se perdent sous le son du vent. My name is Lauren Livesey. I work at the Bronte Passage Museum as an audience development officer. But I have loved Wuthering Heights and Emily Brontë pretty much since I was born. Wuthering Heights is my favorite book. Alors moi, je m'appelle Lauren Livesey. Je travaille donc au musée. Alors en fait, moi, j'aime la littérature et le monde des Brontë vraiment depuis que je suis toute petite. Léo de Hurlevent, c'est mon livre favori depuis toujours, en fait. So the first time the book was put into my hands, I was about 6 years old, so far too young to read it. My dad was from Yorkshire, he was a very proud. Donc la première fois que j'ai lu ce livre, enfin la première fois qu'on me l'a mis dans les mains, en fait j'avais simplement 6 ans. Évidemment, j'étais beaucoup trop jeune pour le lire. Ensuite, donc la première fois que je l'ai vraiment lu, j'avais 13 ans. Et je me souviens l'avoir lu en 2 jours. J'ai presque pas réussi à le déposer. Et depuis, donc là, j'ai bientôt 30 ans. Et donc depuis mes 13 ans, en fait, moi, je relis ce livre une fois par an, plus ou moins. Donc ça fait pas mal de lectures. Et à chaque fois, vraiment, je retrouve cette puissance et elle continue vraiment à m'impressionner. these extremes of emotion carry you through the text, I think. Donc ce qui me marque vraiment dans cette littérature, c'est enfin dans ce livre en particulier, c'est vraiment donc ces extrêmes d'émotions qu'on rencontre dans les personnages du livre. Et ensuite on découvre aussi des sentiments de perte, de jalousie, de vengeance. Ce que je veux dire, c'est que c'est une lecture qui nous permet une sorte de catharsis. Elle nous permet de comprendre les extrêmes de Cathy et Heathcliff, ces extrêmes passionnels, dans une sorte d'espace, presque protégé, en fait, d'une lecture. Dans la vie, on apprend à limiter les extrêmes d'émotion. Et en tant que lectrice, ce sont des émotions que j'ai ressenties moi-même, dans une sorte de connexion vraiment très, très importante avec ce qui est décrit dans le livre. Heathcliff et Catherine grandissent et deviennent inséparables, parcourant la lande durant des heures. Mais c'est le riche et distingué Edgar Linton que Catherine épousera. Fou de douleur, Heathcliff devient un homme sans scrupules, décidé à se venger en détruisant les deux familles. Je lécherai les semelles de ton amour, boiteux, triste comme chien, fidèle, obstiné et honteux. Traite-moi plus bas que terre. Que m'importe les cieux, fais-moi vivre en enfer. J'en ai soupé du bleu. Et si tu ne parviens qu'à m'aimer mal, on peut, bah ça ne me fait rien. Je peux aimer pour deux, je peux aimer pour deux. Je veux sentir la laisse, je veux ma chair meurtrie, je veux que tu me blesses et puis pousser. Il est dans le roman, a aussi des circonstances atténuantes, pourrait-on dire. Et je voudrais qu'on revienne sur le bien et le mal. C'est très mêlé. Regardez, au chapitre 15, disons juste ces quelques lignes. Ces deux êtres. Donc il s'agit de cet enfant adopté, nommé le gitan, le bohémien au départ, devenu l'amant contrarié de Catherine. Ces deux êtres, pour un spectateur de sang-froid, formaient un tableau étrange et terrible. Son visage blanc reflétait, donc c'est celui de Catherine, reflétait une rancune furieuse. Ses lèvres étaient exsangues et son œil scintillait. Elle gardait dans ses doigts crispés quelques mèches des cheveux qu'elle avait tenus. Quant à son compagnon, en s'aidant d'une main pour se relever, il lui avait de l'autre pris le bras, et la douceur dont il disposait était si peu proportionnée à ce qu'exigeait l'état de Catherine que quand il la lâcha, je vis quatre marques bleues, très distinctes, sur sa peau décolorée. Vous avez vu que le geste d'amour est malgré tout doux, et quand même un geste qui bleuit les chairs, un geste violent. Et donc, on n'est pas dans une lecture d'un côté scindante, binaire du monde, hein, où, comme on disait tout à l'heure, les êtres ne sont pas faits d'un seul métal. On est dans une lecture extrêmement complexe. Je trouve que le parallèle, en plus, donne vraiment l'impression que c'est deux âmes sœurs qui n'ont pas eu l'occasion de se retrouver. Et pourtant, Catherine, elle ne dit pas un moment que Heathcliff est plus elle qu'elle-même. Ouais, mais quelque part, je trouve que c'est l'amour qui est poussé à l'extrême, c'est-à-dire qu'il la comprend encore mieux qu'elle, quelque part. Pour rebondir là-dessus, quand on sent dans tous ces passages vraiment presque une union mystique entre les âmes et un sublime qui pourrait être justement dans les clichés romantiques, mais qui dépasse ce cliché quand Catherine dit. Mon amour pour Heathcliff ressemble aux rochers immuables qui sont en dessous, source de peu de joie apparente, mais nécessité. Et je trouve que là, cet amour-là dépasse tous les clichés romantiques de cette union des âmes merveilleuses. En fait, non, c'est pas ça. C'est une nécessité. think when you read Jane Eyre, you can tell that Charlotte Bronte has been in love with someone and she's using those emotions. When you read Wuthering Heights, je pense qu'en lisant Jane Eyre, on comprend que Charlotte a vraiment connu l'amour, en fait. Par contre, avec Emily et une lecture de Déo de Hurlevent, on ressent qu'il s'agit là d'un amour qui provient vraiment de l'imagination de Emily. Et d'ailleurs, son image de l'amour est très particulière. C'est certainement un amour tout à fait passionné. Est-ce qu'il s'agit d'un amour qui prend des formes sexuelles ? Mais il s'agit quand même d'un amour qui souffre des pressions sociales. Donc l'amour entre Cathy et Heathcliff est vraiment un amour en fait irréalisable, presque impossible. Et malgré ça, c'est cet amour-là dont on se souvient en fait. Je peux retrouver peut-être ce passage. Où est-il ? Attendez, c'est quand même... Page 111. Oui, oui. Sue ? Il est plus moi-même que je ne suis. De quoi que nos âmes soient faites, la sienne et la mienne se ressemblent. De mon amour pour Heathcliff aussi. La seule raison de vivre, c'est Heathcliff. Non, c'est avant, je pense. Hélène ! Ah mais oui, c'est ça. C'est comme le feuillage dans les bois. Ok. Alors c'est Catherine qui parle. Mon amour pour Linton est comme le feuillage dans les bois. Le temps le transformera, je le sais bien, comme l'hiver transforme les arbres. Mon amour pour Heathcliff ressemble aux rochers immuables qui sont en dessous. Source de peu de joie apparente, mais nécessaire. Nelly, je suis Heathcliff. Il est toujours, toujours dans mon esprit. Non comme un plaisir, pas plus que je ne suis toujours un plaisir pour moi-même, mais comme mon propre être. On a fait le cours sur les hauts du Hurlevent ce soir. Moi, ce que j'adore, c'est que c'est pas un amour qui rend heureux en soi. C'est, mais on en a parlé d'ailleurs pendant le cours. Mais vraiment, c'est cette idée que, en fait, ça te rend pas heureux, ça te mine, mais dans tous les cas, en fait, tu peux pas vivre sans, mais quand tu vis avec, c'est toujours... L'amour, ça rend pas toujours heureux. C'est que même quand t'en souffres, t'as quand même un sentiment amoureux qui est beaucoup plus beau que quelque chose qui paraît un peu plus évident, plus facile. À la fin du... Enfin, quasiment à la fin, pas tout à fait du roman, si tu veux, il va... déterrer Catherine, genre il va littéralement creuser la tombe, ouvrir le cercueil pour la voir, tellement il en peut plus de pas être avec elle. D'accord. Bref, moi je suis prête à tout, mais j'irai pas déterrer ton cadavre par contre, parce que j'ai trop peur de cimetière et tout ça. En fait, moi ce que j'aime bien, je crois, dans le fait d'être amoureux, c'est que tu le choisis pas, c'est comme si ça vivait tout seul en fait, d'une certaine manière. C'est peut-être accepter de souffrir pour quelqu'un d'autre et plus pour soi-même tout seul. Peut-être accepter qu'on puisse être transformé à vie, non pas par ses propres choix, mais par ceux de l'autre. C'est de cette insécurité permanente et de la profondeur du sentiment amoureux que naît l'insécurité, que l'autre se casse un jour. Mais rappelle-toi qu'au début, tu n'étais pas du tout jalouse. Non, mais c'est parce que je savais pas ce que c'était que d'être amoureuse, en fait, je pense foncièrement. Hein. Que t'arrivais pas du tout à imaginer que je puisse l'être. Tu pensais que c'était un pouvoir, une oppression que je mettais sur toi et que je m'appropriais ta personne. Alors que je suis quand même un jaloux sympathique, je trouve. Hein. Et puis pas... finalement, je suis devenue plus parano dans certaines finalement, périodes. T'es devenue plus, beaucoup plus totalitaire que moi, hein, dans ta jalousie. En fait. Je suis Heathcliff, est-ce que tu pourrais le dire pour moi ? Je pourrais dire que je reste moi-même, mais je suis nous deux. C'est déjà pas trop mal. I am Heathcliff. I am Heathcliff. I am Heathcliff. I am Heathcliff. I am Heathcliff. I am Heathcliff. This is Emily Bronte's writing desk, Donc ici, en fait, on a un petit bureau portable. Chaque sœur avait un bureau portable et celui-ci appartenait à Émilie. On voit aussi exposer donc des objets qui étaient contenus donc dans ce petit bureau portable qui est pliable aussi. Et entre autres, une lettre de la main d'Émilie qu'on vous montre là. The letter is written in the formal writing. La lettre, on voit ici, elle est écrite en fait avec une écriture quand même très claire. Par contre, quand Émilie donc écrivait par exemple sa poésie ou son roman, là elle utilisait une écriture si minuscule qu'il faut presque utiliser une loupe en fait pour pouvoir déchiffrer ces manuscrits-là. Si on peut essayer de la lire. Je n'arrive même pas à la lire. The manuscript is written in a tiny hand which the Brontes developed in childhood. Ah, donc le manuscrit qu'on voit là est écrit avec cette écriture vraiment minuscule qu'utilisait Émilie, mais qu'utilisaient d'ailleurs aussi son frère et ses sœurs. En fait, c'est une sorte de technique presque qu'ils ont développée à l'enfance. Bon, d'une part, évidemment, il s'agit presque d'une économie de papier, donc de cette manière, ils pouvaient vraiment écrire le plus de mots possible sur un petit bout de papier. Mais il s'agissait aussi vraiment, en fait, de pouvoir garder leur écrit privé, donc à l'abri du regard de leur famille, certainement du père qui n'aurait pas pu déchiffrer cette écriture. Il avait des problèmes de vision, donc, mais malgré ça, en fait, il pouvait contenir donc ces grandes idées, ces grandes émotions, ces grandes passions dans cette minuscule écriture. Café. In Scarlet Town, where I was born, there was a famine calling. Deep down in the silent grave. Why can't it always be such a good laugh, Cathy? With none till morn. Why can't you always be such a good man, Father? Après la mort de Catherine, Heathcliff atteint son but de vengeance destructrice, mais ne cesse d'être tourmenté par le souvenir de son amour d'enfance. À son tour, il finit par en mourir. Vous avez vu dans l'histoire, quand même beaucoup de personnages très infantiles, effectivement, extrêmement auto-centrés, extrêmement égoïstes. On pourrait presque dire d'ailleurs que Heathcliff lui-même, avec sa cupidité financière, il pourrait être assimilé au bourgeois. Sauf que le bourgeois, c'est l'argent pour l'argent, tandis que Heathcliff, c'est l'argent pour la vengeance. C'est pas tout à fait pareil, hein. Mais malgré tout, malgré cette mesquinerie, on passe à l'infini, justement. Au déploiement, à la recherche de l'infini. Alors regardez, chapitre 14, donc le refus de la limite, hein, le romantisme est infini, parce que dès qu'on s'arrête, on vieillit, on meurt. Donc ce qui n'a pas de fin ne vieillit jamais, en quelque sorte. Et donc, regardez dans le mal même, hein, qu'importe si on accède à l'infini par le bien, ou par le haut ou par le bas, les fleurs de mal de Baudelaire, etc., ce qui compte, c'est d'accéder à l'absolu. « Je suis sans pitié, dit Heathcliff, plus les vers se tordent, plus grande est mon envie de leur écraser les entrailles, c'est comme une rage de dents morale, et je broie avec d'autant plus d'énergie que la douleur est plus vive. » Une espèce d'infini dans le mal. Et quel est le personnage qui, pour vous, a le plus d'aptitude au dépassement de tout? Moi, j'ai une remarque encore avec Heathcliff, parce que je trouve que justement, il était très dérangeant, ce personnage. Parce que, comme je disais depuis tout à l'heure, c'était le diable incarné pour moi. Et j'arrivais pas à m'identifier à lui. Toujours dans ma tête, je le représentais par exemple face à moi. Je voulais pas qu'il vienne dans mon esprit, quoi, voilà. Justement, par rapport à ça, pour moi, Heathcliff n'est pas le diable. C'est juste un être humain en perte de repère, qui n'a pas d'origine, qui ne sait pas d'où il vient, qui ne connaît pas ses parents, qui est complètement perdu. C'est pas une représentation du mal. Vous voulez ajouter quelque chose, Léa ? Justement, par rapport à Heathcliff, etc., moi j'avais l'impression que la notion de bien et de mal n'avait rien à faire dans le romantisme, parce que justement, le romantisme, c'était une passion de l'ivresse exclusive, de l'excès, et donc complètement opposée à une quelconque raison, et donc une notion de bien et de mal. Oui, c'est sûr que toutes ces notions-là sont révisées. Et c'est ça qui horrifie le bourgeois esthétiquement au XIXe siècle, c'est qu'on ne fait pas forcément des œuvres sublimes avec des bons sentiments et de la morale, précisément, d'une part, et que d'autre part, la morale et les catégories morales sont des constructions sociales dans une certaine mesure, effectivement. Ce soir, pâle comme la mort, en déshabillé Dior, je ne porte plus de bijoux que ta morsure à mon cou. Tu me tues. Tu me tues. Sur tes lèvres, mon sang perle jusqu'à l'aurore. Et le baiser qui me dévore. Tu me tues. He drew in his breath, struck the table and swore to himself, "By hell, I hate them." "I'm not afraid of you," exclaimed Catherine, who could not hear the latter part of his speech. She stepped close up, her black eyes flashing with passion and resolution. "Give me that key, I will have it," she said. "I wouldn't eat or drink here if I was starving." Il s'interrompit afin de respirer, donna un coup sur la table et jura à voix basse, « Par l'enfer, je les hais !»« Je n'ai pas peur de vous !» s'écria Catherine. Elle avança de quelques pas, ses yeux noirs étincelaient de colère et de résolution. « Donnez-moi cette clé, » dit-elle, « je veux la voir !» Heathcliff tenait la clé dans sa main, qui était restée sur la table. Il regarda ma jeune maîtresse, saisi par cette hardiesse, ou peut-être par le souvenir de celle qui la lui avait transmise et qu'il retrouvait dans la voix et dans le regard. Cathy fit un mouvement brusque vers la clé et réussit presque à la lui arracher de ses doigts, inattentif un instant. Mais ce geste le rappela à la réalité et il s'en ressaisit vivement. « Maintenant, Catherine Linton, dit-il, éloignez-vous, ou bien vous allez rouler par terre et cela rendra folle Mrs. Dean. » Méprisant cet avertissement, elle se jeta de nouveau sur la main fermée afin de reprendre l'objet. « Nous réussirons à partir, » répéta-t-elle, déployant tous ses efforts pour vaincre les muscles de fer. Et voyant l'inefficacité de ses ongles, elle se servit de ses dents avec un bel entrain. Heathcliff me lança un tel regard que je restai un moment sans oser intervenir. Catherine ne remarqua rien, acharnée à desserrer l'étreinte des doigts. Alors il les ouvrit tout d'un coup et abandonna l'objet disputé. Mais, avant qu'elle eût mis celui-ci définitivement à l'abri, il la saisit de sa main libre et la serra entre ses genoux et lui administra sur la tête une grêle de terribles tapes dont chacune aurait suffi à réaliser sa menace si Catherine avait pu tomber. Ce soir, vous voyez que je sais comment on corrige les enfants, dit le gredin d'un air farouche, tout en se baissant pour reprendre possession de la clé qui était tombée par terre. There's a great quote about Heathcliff that he's a bastardly, dastardly son of the bitch goddess nature. Oh, you should have given me that quote sooner because I'm not sure I'm going to translate that at all. I think one of the reasons that people were very shocked by the book was that Heathcliff does do terrible things, but gothic villains. Donc une des raisons qui a choqué les lecteurs de l'époque et encore aujourd'hui, donc c'est ce comportement exécrable de Heathcliff, une sorte de, vraiment de voyou, de personnage très difficile à supporter, mais on arrive aussi à ressentir de la pitié pour lui. On reconnaît par exemple son amour incroyable pour Cathy. Et par cet amour, en fait, le lecteur arrive à pardonner le comportement de Heathcliff. C'est comme si Emily nous invite en fait à ne pas le juger. Right in the middle, you can see some. So in front of us is a church in a kind of Gothic style. Donc là, on est juste devant l'église de Haworth, de style néo-gothique en fait. It's not one that we know is true, but I believe it. Is that Patrick had a gun? Donc dans le clocher de l'église, on retrouve, enfin, on peut observer des trous en fait dans certaines pierres du milieu du clocher. Alors aujourd'hui, on ne sait pas vraiment si cette histoire est vraisemblable, mais on peut se l'imaginer quand même. En fait, le clocher de l'église, là, il est juste en face donc, du presbytère et d'ailleurs de la chambre à coucher du père, Patrick. On sait aussi que Patrick était propriétaire d'un pistolet. Et donc, certains pensent en fait que Patrick ouvrait la fenêtre de sa chambre à coucher et... utiliser son pistolet, juste question de s'assurer qu'il fonctionnait. Et donc, certains pensent en fait que ces petits trous dans la pierre du clocher a été causé en fait donc par le pistolet de Patrick Bronte. Là, je viens de sortir du cours de Martine Lavaux et j'ai trouvé ça particulièrement enrichissant. Alors Alexis, vous avez quel âge ? J'ai 19 ans, bientôt 20. Je me considère comme romantique. Romantique à la manière des personnages des Hauts-du-Relevant, je ne sais pas. Cependant, je pense qu'en 2018, je suis peut-être un néo-romantique. Je sais que je suis déjà tombé amoureux, mais quand j'aime, je fais pas dans la demi-mesure. Soit j'aime d'un amour passionné, soit quand je commence à m'ennuyer, j'aime plus. Je rejette tout ce qui vient de cette personne. Je pense que j'ai déjà eu un très profond mépris, mais de la cruauté envers autrui, de la manière par exemple dont Heathcliff se comporte dans la deuxième partie du roman, alors là, jamais autant. Le passage qui m'a vraiment touché, c'est celui-ci à la page 127 où Catherine avoue qu'elle aime Heathcliff mais que malheureusement il n'entend qu'une seule partie de cette déclaration cachée. Il n'entend que la partie où elle dit qu'elle préférait Edgar Linton en tant que mari par rapport aux conventions sociales. Et c'est clairement ce que, lorsque j'ai été amoureux, j'ai ressenti. Parce que qu'est-ce que ça m'a apporté en soi, épier en plus une personne hétérosexuelle au loin, la regarder à travers les moyens de notre temps, les réseaux sociaux, voir la personne avec une copine, voire même une amie qui se trouve être sa copine. Ce qui peut paraître un amour qui pouvait sembler à de l'extérieur une obsession, vu que c'est un amour platonique, et pourtant je pouvais passer des heures à regarder ces réseaux sociaux ou le peu de discussions qu'on a eues par message. Et pourtant, moi, à ce moment, ça me comblait et c'était une nécessité. C'était une nécessité parce que si, à cette période-là, où j'étais moins sûr de moi, de mes orientations, je n'avais pas eu ça, je me serais peut-être écroulé. Peut-être que c'est pour ça que, inconsciemment, j'ai autant compris Heathcliff. Parce que je peux comprendre ce que ça fait d'être si proche de la personne aimée et en même temps si éloigné. Votre vie alors à l'avenir ? Je persiste à avoir ma vie quand même heureuse parce que je suis arrivé à un stade où je ne ressens pas le besoin de me cacher plus que ça avec mes proches, mais mes proches au sens de mes amis. Après, je ne peux répondre entièrement à la question. Je ne sais pas comment je vois ma vie dans la sphère familiale en revanche. J'ai déjà ressenti la rage d'Heathcliff. J'ai ressenti cette rage parce que je sais que j'aime ces gens, mais je sais que ces personnes ne me connaissent pas tel que je suis réellement. Alors, pour reprendre ces mots clairement, des personnes à qui je tenais ont déjà parlé de brûler des homosexuels, en sachant ce que je suis moi, c'est-à-dire un homosexuel, ça a été particulièrement dur. Je ne sais pas si... je devrais feinter d'être l'éternel célibataire de la famille ou ou si je dois m'en éloigner un peu contre mon gré. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Ce que je vais faire maintenant, je vais continuer à aimer. Je vais continuer à aimer parce que je ne sais pas faire autrement. De toute manière, je suis un éternel amoureux. Mais qui sait ce que je vais faire ? Sais-tu, ma belle, que les amours les plus brillantes ternissent le sale soleil du jour, le jour les soumets supplices. J'ai une idée inattaquable pour éviter l'insupportable avant la haine, avant les coups de sifflet ou de fouet, avant la peine et le dégoût. Brisons-la s'il te plaît. Non, je t'embrasse et ça passe. Tu vois bien, on se débarrasse pas de moi comme ça. Où sommes-nous? Quelle est cette toute petite pièce? This room was always known as the children's study. That was the term that the servants in the house used. Cette petite chambre dans la famille des Brontë a toujours été appelée le bureau des enfants. On sait qu'ici se rassemblaient le frère et les sœurs dans l'enfance. C'est ici qu'ils ont développé certains de leurs récits. Plus tard, on sait que cette chambre a été utilisée donc par Emily comme chambre à coucher. Et d'ailleurs, elle en a fait un dessin qu'on a dans la collection. Et donc ce dessin décrit, enfin donc représente le lit qu'elle utilisait, le petit tabouret où elle s'asseyait. D'ailleurs, dans le dessin même, elle y est assise. Et aussi deux des chiens, en fait, qui appartenaient à la famille. L'un des chiens est à ses pieds et l'autre est couché au pied du lit. We think that Emily... On sait qu'Emily utilisait cette chambre à coucher aussi pour écrire sa poésie. Et comme c'était aussi quelqu'un de solitaire, en fait, elle pouvait vraiment se concentrer sur son travail pendant ces nuits où on s'imagine très bien qu'elle travaillait là. Sa famille lui était très chère, mais en même temps, elle avait les nuits lui procuraient en fait cet espace de solitude. La nuit dernière, j'étais sur le seuil de l'enfer. Aujourd'hui, je suis près d'atteindre mon paradis. Mes yeux l'aperçoivent. À peine trois pieds m'en séparent. Et maintenant, vous feriez mieux de vous en aller, dit-il. Après avoir balayé le foyer et essuyé la table, je partis plus perplexe que jamais. Il ne quitta plus la salle de tout l'après-midi et personne ne troubla sa solitude. Enfin, à 8 heures, je jugeai bon, bien qu'il ne m'eût pas appelé, de lui porter une bougie et son dîner. Il était appuyé contre le rebord d'une fenêtre ouverte, mais il ne regardait pas dehors et sa figure était tournée vers l'obscurité de l'intérieur. Le feu s'était réduit en cendres. Je poussai une exclamation de mécontentement à la vue du foyer tout sombre et, fermant les fenêtres l'une après l'autre, j'arrivai à la sienne. « Dois-je fermer celle-ci » demandai-je. La lumière éclaira ses traits tandis que je parlais. Je ne peux vous décrire le terrible choc que je ressentis à cette vision fugitive. Ces yeux noirs creusés, ce sourire et cette pâleur de spectre. Il me sembla que ce n'était pas Heathcliff, mais un fantôme. Dans ma terreur, je laissai la bougie s'incliner vers le mur et je me trouvai dans l'obscurité. Est-ce un vampire ? Me demandai-je. Si Emily relève la tête depuis la petite chambre où elle écrit, elle peut y voir, sur les murs de plâtre, des visages qu'elle y dessinait ici, enfant, avec son frère et ses sœurs. Et par la fenêtre, sous la grosse horloge ronde et dorée du clocher, des tombes bancales du cimetière qui jouxte la maison. We think there are about 40,000 bodies in this churchyard, so it's very, very crowded. Alors dans ce cimetière, il faut se dire qu'il se trouve plus ou moins 40 000 tombes en fait. On n'a pas autant de pierres tombales que de tombes, mais en tout cas, les documents historiques prouvent qu'il y a vraiment une quantité d'habitants qui ont été enterrés ici. So I think this is a very, very gothic image. So this is a big slab. Alors là, on se trouve juste auprès d'une pierre tombale qui nous donne vraiment une image assez puissante, en fait. Et d'ailleurs, une image assez gothique. Donc, c'est une pierre tombale qui était presque complètement cassée en deux, en fait, par les racines d'un arbre, d'un érable, qui maintenant a pris des ampleurs telles que... et une puissance telle aussi que cette pierre tombale, quand même assez massive, a été cassée en deux. Et ça nous rappelle aussi un peu l'image, en fait, donc de la pierre tombale de Cathay dans Léo de Hurlevent. Et on peut se demander ce qu'Émilie aurait fait, en fait, de cette image. Voyant la chambre vide, je courus ouvrir les panneaux de bois. Heathcliff était là, couché sur le dos. Ses yeux m'opposaient un regard si perçant et si cruel que je reculai. Puis, il me parut qu'il souriait. Je ne pouvais le croire mort. Pourtant, sa figure et sa gorge ruisselaient sous la pluie. Ses draps étaient trempés et il restait complètement immobile. La fenêtre qui battait en avant et en arrière avait blessé légèrement une de ses mains posées sur l'appui. Le sang ne coulait pas de la coupure et lorsque j'avançais mes doigts, il ne me fut plus possible de douter. Il était déjà raidi par la mort. J'essayais d'abaisser ses paupières pour éteindre, s'il était possible, avant que personne d'autre ne pût le voir, cet effroyable regard d'exultation qui donnait encore l'illusion de la vie. Mais ses yeux ne voulurent pas se cacher. Il semblait se moquer de mes efforts, comme se moquaient ses lèvres entrouvertes et ses dents pointues. This is the sofa on which Emily died, aged 30, in December 1848. Oui, donc en fait, tous les meubles dans cette salle ont vraiment appartenu à la famille. Entre autres, le sofa. On pense vraiment en fait qu'Emily Brontë est décédée sur ce sofa. Donc le frère en fait d'Emily Branwell est décédé au mois de septembre 1848. Et on sait qu'Emily, en fait, est tombée malade à l'enterrement de son frère. Elle a attrapé un rhume. Hélas, en fait, ça s'est développé en maladie de la tuberculose. Donc son frère est décédé au mois de septembre et elle est décédée au mois de décembre de cette même année, en 1848, un an après la publication des Odes Hurlevent. Deep, deep down in the silent grave, with moon till morn above. Avec Anne Dinsdale, Sue Newby, Lauren Livesey, Martine Lavaux et ses élèves Maud, Alexis, Léa, Lucas, Alice, Bertrand, Caroline, Camille, Anaïs, Lorenza, Alison et l'amoureux Jérémy. En fait, il n'existe pas beaucoup de portraits d'Emily. Emily avait des cheveux bruns, elle avait le teint très pâle. On sait qu'elle avait une dent, en fait, qui ressortait un peu plus que les autres. Elle n'avait pas l'habitude de regarder les gens dans les yeux, mais quand elle le faisait, et puis qu'elle souriait aussi, c'est un sourire qu'on ne pouvait pas oublier, en fait, de sa vie. The night is darkening round me. The wild winds coldly blow. But a tyrant's spell has bound me, and I cannot go. c'était quelque chose en nous du romantisme, explorer les sentiments. Traduction Mary Ledger Wall, avec la voix de Pierre-Marie Baudouin, l'homme romantique. Merci à Rebecca York et toute l'équipe du Musée Brontë. Prise de son Cyprien de Limerville, Benjamin Chauvin et Jean-Benoît Tétu. Mixage Éric Boisset. Un documentaire d'Élise Andrieux réalisé par Véronique Samouilov. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter dans la lande et le vent glacé, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Mathias Meiji et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes et nous trouver sur Instagram. Demain, troisième épisode, Fuir le réel. Et pendant 15 jours, grâce à Tank, notre partenaire, vous pouvez voir le documentaire Garden Lovers de Virpi Sutari, consacré à un couple d'amoureux dans son jardin. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission. Et n'oubliez pas les autres rendez-vous documentaires de France Culture, Une vie, une œuvre, La fabrique de l'histoire, L'expérience, Une histoire particulière et Les pieds sur terre.